Bien bibop. Bien sandaman amour. Qu'as-tu fait, Bibop? Bon, un truc, Bibop. Envoie un truc. Oui. Envoie un track. Thank you. I know.